Si, on revient tous demain dès 6h pour vous sortir de votre lit. C'est notre mission quotidienne et on l'assume. Avec Liège Matin qui se termine et le 8-9 qui commence. Tout de suite, c'est Benjamin Maréchal qui arrive. Merci et bravo à tous les athlètes et médaillés du Team Belgium. Vous nous avez fait rêver sur la 2, Vivacité et RTB Fovio. Le 8-9 démarre maintenant avec Benjamin Maréchal. Ah, 2 mois que j'attends leur retour. Christophe Grandjean, je savais même plus à quoi il ressemblait. C'est donc vous, cher monsieur. Mais si au mois de juin j'étais là, vous avez passé de bonnes vacances, Christophe? Mais magnifique, un peu courte, mais magnifique. Ah bah voilà, vous êtes bronzé tout beau. La petite Sarah de Padua, pas une carte, pas un appel, rien. Coucou tout le monde, un break, un vrai. De 5 semaines, quelle chance. Eh bah vous êtes belle, vous ressemblez de plus en plus à Thierry Luterz. Dont la dernière fois. Je n'ai pas peu dire. Bonjour, Benjamin. C'était à l'Euro la dernière fois. Vous imaginez, ça nous paraît déjà si loin. Hein. Oh là là. Et alors je voudrais quand même féliciter le mec qui est pour le premier jour, parce que c'est la rentrée aujourd'hui sur Viva, arrive en retard. On est d'accord que vous n'avez pas vu Jérôme Devoir, vous êtes dans les couloirs. Mais ça n'a pas sonné, il faut dire. La cloche n'a pas sonné, si. Ah ben, drink, ça, ça fait un an que c'est à 7h58, le rendez-vous, vous ne l'avez pas vu, Christophe? Non, il prépare une entrée remarquée ou quoi? Alors, le mec, quand il arrive avec son bobard, genre le tram, le bus, l'embouteillage, il est attendu de pied ferme, moi je vous le dis. Vabona, votre arme contre les insectes. Alors que Denis, il est là à l'heure, monsieur le directeur. Bravo, Denis. Exactement, oui, tout à fait, tout à fait. Et avec de bonnes nouvelles, mais comme dans un bon film, eh bien, on va commencer par une situation qui n'est pas géniale, à savoir, eh bien, ce matin, encore les restes d'une zone de pluie qui nous quitte. Donc, ça va encore être gris ce matin, avec des petites pluies ou bruines qui sont essentiellement en province de Liège actuellement, et encore quelques averses qui vont arriver par le Hainaut, mais on en sera débarrassé en fin de matinée. L'après-midi, le soleil va prendre le relais avec des températures aujourd'hui déjà comprises entre 18 et 23, voire 24 degrés sur l'ouest. Ce n'est qu'un début puisque demain, mercredi et jeudi, l'été joue les prolongations. On attend 23 à 28 degrés pour demain et une moyenne de 27 à 30 ou 31 degrés pour le milieu de la semaine. Il est 8h et à la une de l'actualité ce matin, le rideau sur les Jeux Olympiques. La cérémonie de clôture a eu lieu cette nuit à Rio et le passage de témoin à Tokyo, prochaine ville organisatrice des JO en 2020. Muito obrigado, Cariocas. Merci de votre chaleureuse hospitalité. Bye bye, Rio. Nous revivrons cette cérémonie dans un instant et puis nous tirerons le bilan de ces Jeux Olympiques. Un imam radical verviétois, sa femme et son fils interpellés par la police. Le fils avait récemment été vu dans une vidéo où il proférait des menaces à l'égard des chrétiens. Bientôt la rentrée scolaire. Dans l'enseignement officiel, les directeurs risquent de s'arracher les cheveux pour organiser le nouveau cours de citoyenneté. Porter des lentilles pendant la nuit pour mieux voir le jour, cela s'appelle l'orthokératologie. Nous poserons le pour et le contre de cette technique qui sert à corriger la myopie. Et puis comment relancer l'Europe après le Brexit? Les dirigeants allemands, français et italiens se retrouvent sur une île aujourd'hui pour en discuter. Et donc Rio, c'est fini depuis cette nuit. Eh oui, la dernière médaille a été décernée cette nuit. Elle revient aux États-Unis en basketball. Et puis la traditionnelle cérémonie de clôture des Jeux Olympiques a eu lieu. C'est Éric Libois qui nous l'a fait revivre. On avait prédit à ces 31e jeux le naufrage. C'est une brache nationale qui a arrosé la clôture. Nafissa Toutiam, désignée porte-drapeau de la délégation belge avec ses 65 sportifs, 7 fois plus qu'à l'ouverture. Thiam donc s'est vite éclipsée, trempée jusqu'aux os dans un stade autrement moins garni que la veille pour le triomphe de la CDSAO du foot. Une cérémonie à l'image de ces jeux, joyeuse, colorée, pyrotechnique, mais confuse et kitsch, centrée sur les musiques du Brésil avant le passage de flambeau à Tokyo 2020. Présentation futuriste mêlant Super Mario, les mangas et même le Premier ministre surgissant de terre. Et comme lors de l'ouverture, le maire de Rio aura récolté sa bordée de sifflets avant le rituel discours présidentiel. These were marvelous Olympic Games in the marvelous city. Thomas Bach qualifiant ces jeux de merveilleux dans la cité merveilleuse avant de baisser le rideau. I declare the games of the 31st Olympiad closed. L'extinction de la flamme olympique par une pluie, prévue cette fois dans le scénario. La soirée se terminait logiquement par un carnaval de Rio, avancé au mois d'août, chars et plumes compris. Ces jeux laisseront une image mitigée, mais chaleureuse. Muito obrigado, Cariocas. Merci de votre chaleureuse hospitalité. Bye bye, Rio. Voilà pour la cérémonie de clôture. Le bilan maintenant de ces Jeux Olympiques. David Bertrand, vous êtes pour quelques heures encore à Rio. 6 médailles pour la Belgique. Les Belges peuvent rentrer au pays la tête haute. Oui Christophe, bonjour. C'est en effet une très bonne cuvée ces Jeux Olympiques et la délégation belge peut en être fière. Si on se replonge rapidement dans les statistiques des éditions précédentes, il faut en effet remonter à 1996 et aux Jeux d'Atlanta pour voir la Belgique décrocher 6 médailles. Et comme à Atlanta il y a 20 ans, la Belgique rentre au pays avec 2 fois l'or, 2 fois l'argent et 2 fois le bronze. L'une des différences, c'est qu'en 1996, 4 médailles venaient du judo, là où on n'en a pris qu'une sur les tatamis cette année. Les 6 médailles remportés ici au Brésil l'ont en effet été dans des sports différents. Le cyclisme sur piste, le judo donc, la natation, l'athlétisme et le hockey. Bilan positif donc pour les Belges, mais ce sont surtout des médailles surprises. Hein. Oui, clairement, on attendait par exemple Van Snick au judo, on a eu Van Tickelt, on avait parié sur Milanov à l'athlé, on a eu Nafitiam. En natation, personne n'aurait espéré décrocher l'argent sur le 100 mètres libre. La seule médaille que l'on avait vu venir, entre guillemets, c'est celle du hockey, qui était la plus prévisible, vu le niveau des Red Lions sur la scène internationale ces dernières années. Et donc, si nous avons obtenu des médailles surprises, c'est que ceux que l'on qualifiait de médaillables avant les Jeux n'ont pas atteint leur objectif. On pense de nouveau à Charline Van Snick et à Philippe Milanov, mais aussi à nos représentants en taekwondo et à Evie Van Acker, qui était la favorite de l'épreuve de laser radial. Petite frustration aussi, ces nombreuses places d'honneur et ces 4e places, ces 6 médailles en chocolat, comme on dit, et par la force des choses, ces médailles qui ont échappé de peu, de très peu, à la Belgique. Et au-delà des Belges, que retenir de ces JO de Rio, David, quelle performance? Eh bien, 3 noms viennent directement à l'esprit parce que choisir, c'est renoncer. Usain Bolt, Michael Phelps et Simone Biles. Bolt a enflammé la piste comme lui seul sait le faire. Il a réussi le triple triplé, 100, 200 et 4 fois 100. Triple champion olympique en titre depuis Pékin en 2008 et 9 médailles d'or olympiques qui font de lui désormais le plus grand athlète de tous les temps. Michael Phelps a lui aussi marqué un peu plus l'histoire. Il avait arrêté la natation. Il a plongé dans des déboires extrasportifs avant de revenir encore plus fort. 6 courses disputées ici à Rio, 5 médailles d'or et une d'argent. Sa collection compte désormais 28 médailles olympiques, dont 23 titres. C'est absolument faramineux. Et puis chez les filles, la femme de ces Jeux, c'est Simone Biles, la gymnaste qui a illuminé Rio de son talent et de son sourire. Voilà pour ces beaux moments des Jeux Olympiques. Merci David Bertrand. Au classement des médailles, les États-Unis arrivent en tête. La Belgique est 35e. Et rendez-vous donc maintenant à Tokyo pour les prochains Jeux Olympiques. Ce sera en 2020. L'imam radical de 10 ans, son épouse et son fils ont été interpellés hier soir. C'est le fils de cet imam qui avait défrayé la chronique récemment. On l'avait vu dans une vidéo où il menaçait les chrétiens, Nathalie Servet. Oui, dans cette vidéo, on voit un ado qui marche dans les rues de Verviers et qui appelle à tuer des chrétiens. Une vidéo qui a été diffusée il y a 15 jours sur Internet. Le fils de l'imam radical de 10 ans, un jeune homme de 17 ans, a rapidement été identifié. L'affaire a été mise à l'instruction, mais l'adolescent se trouve alors en vacances au Maroc, ce qui ne l'a pas empêché de reconnaître les faits, de promettre de se rendre à la police dès son retour en Belgique. C'est donc bien à son retour hier, en fin de journée, qu'il a été interpellé en compagnie de ses parents. Le jeune homme devrait être présenté aujourd'hui à un juge de la jeunesse. Quant au père du garçon, l'imam radical de 10 ans, les enquêteurs devront sans doute déterminer l'influence qu'il a exercée sur son enfant. On le sait, cela fait 1 an que cet imam fait l'objet d'un arrêté d'expulsion, mais il a fait appel et donc en attendant une décision, il peut continuer à résider en Belgique avec sa famille. Merci Nathalie. Cela fait plus d'un an et demi maintenant que les militaires patrouillent dans les rues et certains d'entre eux manifestent leur ras-le-bol. C'est depuis le démantèlement de la cellule djihadiste de Verviers en janvier 2015 que les militaires sont déployés dans les rues pour assurer la sécurité, principalement à Bruxelles. Environ 1800 soldats qui se retrouvent loin de leurs proches. Et si la lassitude s'installe, c'est notamment parce que le sentiment d'utilité diminue. Juste après les attentats, là, on sentait vraiment qu'on avait une importance, ça rassurait les gens. Maintenant, parfois, j'ai un peu l'impression qu'on, pas dire qu'on les gêne, mais Je pense que la population se pose aussi des questions quant à savoir pourquoi on est encore là. Comment ça se passe, cet éloignement, parfois de plusieurs semaines ? Oui, donc je suis marié, j'ai une petite fille. Bah, l'éloignement, ouais, parfois ça peut être compliqué parce que ouais, on rentre pas chez nous, donc ça peut faire qu'il y ait quelques petites tensions, mais je pense pas que ce soit essentiellement lié à ça non plus. Une mission à l'étranger, en fait, ce sont des dates généralement bien définies. On sait qu'on part de tel mois à tel mois, donc c'est plus facile à gérer. On sait s'organiser. Qu'ici, bon, c'est un peu plus. C'est plus aléatoire, ce genre de mission-ci. Ouais, parce que ouais, comparé à des missions à l'étranger, ouais. Le témoignage d'un militaire recueilli par Baptiste Hupin. Vous le savez, la rentrée scolaire approche et dans l'enseignement officiel, les directeurs se préparent à devoir résoudre un casse-tête. La rentrée, ce n'est jamais facile pour les directeurs. Il faut inscrire les nouveaux élèves, régler les tracasseries administratives et puis réfléchir aux horaires. Et cette année, confectionner les horaires sera encore plus compliqué que d'habitude dans l'enseignement officiel puisqu'il faudra y insérer le nouveau cours de citoyenneté. Ce cours remplacera une des deux heures de religion ou de morale à l'école primaire. Denis Van Der Brugge s'est rendu dans une école pour se rendre compte de ces nouvelles difficultés. Centre éducatif européen, bonjour. Dans cette école moucronoise, la rentrée se prépare déjà depuis quelques jours. Sur le bureau du directeur, une circulaire toute fraîche. Elle régit le futur cours de citoyenneté. Le directeur de l'établissement, Guy Van Kraaiveld, a déjà eu l'occasion de l'étudier. Et son verdict est clair. C'est un peu irréaliste. Oui, je crois que le mot irréaliste est actuellement le mot qui me revient le plus souvent à l'esprit quand je lis la circulaire. Le directeur de l'école moucronoise n'a rien contre le cours de citoyenneté en tant que tel. Pour lui, ce qui est irréaliste, c'est sa mise en pratique, un véritable casse-tête où il faut penser à tout, répartition des élèves dans les classes, mais aussi horaire des professeurs. Je vais surtout devoir faire appel à mes collègues directeurs, à mon PO, pour voir quelles sont les décisions qui seront prises quant à qui fait quoi, quand est-ce qu'on le fait, comment on le fait. Beaucoup d'incertitudes donc, et il faudra encore attendre avant d'y voir plus clair. Les parents ont en effet jusqu'au 15 septembre pour notifier le choix philosophique de leurs enfants. Beaucoup de directeurs ne vont pas dormir sereinement pendant la période du 15 septembre au 1er octobre. Ça, on aura des heures de sommeil à récupérer par la suite. Un nouveau cours de citoyenneté qui sera donc donné à partir du 1er octobre dans les écoles primaires de l'enseignement officiel. Corriger sa myopie sans se faire opérer, ni porter de lunettes, ni même de lentilles, eh bien c'est possible grâce à une technique, Christophe, au nom très compliqué. Alors cette technique, c'est l'orthokératologie. Le principe de cette méthode, c'est de dormir avec des lentilles spéciales, des lentilles qui aplatissent la cornée. Résultat, le lendemain, votre myopie a disparu. Une technique pratiquée par les oculistes optométristes, mais que les ophtalmologues voient parfois d'un mauvais œil. Alors Julie Buron nous explique les points forts et les points faibles de cette méthode. Le principal bénéfice de l'orthokératologie, c'est qu'on ne doit plus porter ni lunettes ni lentilles de contact durant la journée. Zoé a commencé à dormir avec ses lentilles de nuit à l'âge de 9 ans. Aujourd'hui, elle en a 12. Les premières fois, on sent qu'on a un truc dans l'œil et ça fait bizarre. On a envie de l'enlever, mais après, on s'y habitue. Thierry Segart est opticien optométriste à Otigny. Pour lui, le principal avantage de cette technique, c'est le confort de vie. On a énormément de gens qui travaillent sur PC, qui travaillent avec de l'air conditionné, qui pratiquent des sports qui ne sont pas toujours faciles avec des lentilles. Tous ces gens-là n'ont plus besoin de lunettes et souffrent moins du manque d'oxygène, du clignement qui est moins bien devant un PC. C'est une facilité de vie la journée. Autre avantage, la réversibilité. Si vous arrêtez vos lentilles de nuit, votre myopie reviendra. C'est justement cette réversibilité qui ne convainc pas bon nombre d'ophtalmologues, comme le docteur Colomval à Binche. On ne fait pas grand mal aux patients, en ce sens que c'est réversible, c'est-à-dire que ça n'a qu'un effet transitoire. Si la lentille provoque une amélioration de la vision subjective pour le patient, elle ne sera pas constante au cours de la journée. On peut comprendre que la durée d'efficacité va être relativement courte et qu'à un moment donné, ils vont quand même devoir remettre des lunettes correctrices. L'orthokératologie peut être pratiquée pour des myopies allant jusqu'à moins 4,5, une méthode qui vous coûtera 450 euros par an. Les nuits d'été et de week-end sont meurtrières sur les routes wallonnes. Les accidents avec un seul conducteur impliqué explosent sur les routes de campagne. Entre 2005 et 2013, plus de la moitié des victimes sont mortes dans des accidents en agglomération. C'est en province de Namur et de Luxembourg que ces accidents mortels sont les plus nombreux. En cause, la vitesse, les contrôles d'alcoolémie moins nombreux et la topographie vallonnée des routes au sud du pays. L'avenir de l'Europe qui sera examiné aujourd'hui. Les dirigeants allemands, français et italiens se retrouvent sur une île italienne. Angela Merkel, François Hollande et Matteo Renzi vont tenter de donner un nouveau souffle à l'Union européenne. L'Europe qui suffoque depuis le Brexit, la décision du Royaume-Uni de quitter l'Union européenne. Une rencontre qui se déroulera dans un lieu très symbolique, Valérie Dupont. C'est sur l'île de Ventotene, au large de Naples, que Matteo Renzi a donné rendez-vous à ses homologues français et allemands. Ventotene, une île mieux connue pour sa prison où étaient enfermés les opposants au régime de Mussolini. C'est dans cette prison forteresse que des intellectuels italiens antifascistes, menés par Altiero Spinelli, ont écrit entre 1941 et 1943 le premier manifeste pour une Europe unie. Un texte qui inspirera Schuman, Adenauer et De Gasperi pour fonder les bases de l'Europe actuelle. Une Europe qui aujourd'hui a bien besoin de retrouver ses racines après le coup d'arrêt brutal du vote britannique, d'où l'importance symbolique de cette rencontre. Après un moment de recueillement sur cette île berceau du sentiment européen, Angela Merkel, François Hollande et Matteo Renzi se retrouveront sur le porte-avions Garibaldi pour discuter croissance économique, défense et immigration, mais surtout pour tenter de trouver des points communs pour relancer les objectifs d'une Europe libre et unie, l'Europe dont rêvaient les prisonniers de cette île durant la période la plus sombre de l'histoire du continent. Valérie Dupont, notre correspondante en Italie. Le Japon face à un puissant typhon, des rafales de vent jusqu'à 180 km par heure et des pluies diluviennes qui ont forcé les compagnies aériennes à annuler des centaines de vols. Le typhon qui a débarqué près de Tokyo perturbe aussi la circulation sur les routes et sur le rail. Des dizaines de milliers d'habitants ont été invités à se tenir prêts à une évacuation car le risque d'inondation et de glissement de terrain est très important. Et puis Zulte Waregem qui reste en tête du championnat de football après la quatrième journée de compétition. Zulte Waregem qui mène la Pro League avec 10 points sur 12 et qui devance un trio composé d'Anderlecht, de Charleroi et de la Gantoise. Anderlecht tenu en échec hier à Eupen 2-2 et une équipe mauve qui a à nouveau remanié avec la présence de nombreux jeunes, ce qu'apprécie le vétéran de l'équipe, Olivier De Skacht. Ils sont forts, hein, l'entraîneur ne regarde pas l'âge. Hein, si tu as 35 ou 18 ans, il ne regarde pas. Hein. Il ose et voilà. Et vous êtes toujours invaincu en championnat. Beaucoup critiquent pour l'instant un peu Anderlecht sur la manière, mais ça se passe bien en Europa League. Vous êtes toujours là en championnat. Ça peut être toujours mieux, mais on a gagné un match très important jeudi. Et on n'est pas malheureux. On travaille bien, l'entraîneur n'est pas mal content. On a encore beaucoup de travail, je le sais, mais voilà. L'Anderlecht Olivier De Skacht au micro d'Ebi Brozakis. Voilà pour l'actualité. Est-ce qu'il faut faire une alerte enlèvement en plus pour Jérôme De Warze? Il est toujours pas là. Il est toujours pas arrivé. Parce que moi j'étais calé. Vous l'avez vu dans le couloir ou pas, Thierry? Non, je le cherche partout désespérément. Eh ben voilà, 8h16, c'est le jour de la rentrée, tout le monde le sait. Je crois de mémoire que c'est la première fois qu'il est en retard sans prévenir. Mais il va être châtié alors là. Ah ben ça, les retenues sur salaire, on va lui prendre sa femme, ses enfants, vous voulez quoi? Peut-être qu'il va revenir le 1er septembre. Il croit que la rentrée c'est le 1er septembre. Alors Thierry, vous prendrez en charge le cactus, ça marche? Vous n'avez pas une vieille blague qui... Vous n'avez pas le budget. C'est ce qu'on m'avait dit, on peut juste financer un peu de sport avec lui. Bref, c'est la rentrée aujourd'hui sur Viva, il est 8h16, voici un nouveau 8-9. Vous voulez investir auprès d'une personne de confiance? Rendez-vous chez l'agent bancaire AXA près de chez vous ou sur axabank.be/investir. AXA, réinventons la banque. RTBF Mail Info, 8h17, Benoît Ferrière, apparemment il y a un véhicule en panne sur la 602 ce matin. Exactement, donc c'est dans le tronçon dit du tunnel de Cointe à hauteur des grosses battes, un véhicule en panne rend le passage très difficile à hauteur justement de la sortie 38 grosses battes en direction de Bruxelles. Soyez extrêmement prudents si vous passez par là. J'ai l'impression qu'on sent que le trafic s'intensifie et qu'il y a le phénomène de pré-rentrée est bien présent ce matin. Qu'en est-il ailleurs en région liégeoise? Ailleurs pour le moment, des ralentissements tout au plus concentrés sur l'axe évidemment E40 remonte Liège-Bruxelles en direction donc de Bruxelles à hauteur du viaduc de Cherat. Vous perdez actuellement 11 minutes en direction de Bruxelles. Oui, puis il y a cet accident dans l'échangeur WE Saint-Etienne. Une borne de circulation est toujours neutralisée dans la bretelle venant de Liège en direction de Waterloo. Et il y a des fils également qui commencent à se dérober sur cette E40 en direction de Bruxelles. Un problème sur la route? Prévenez le 04 344 76 44. Pendant les 13 semaines du Beau Vélo de Ravel, Vivacité vous emmène découvrir un site touristique ou un musée de Wallonie et de Bruxelles en famille. Écoutez le 5 à 7 pour gagner les 4 entrées mises en jeu. Une belle occasion de s'offrir une sortie familiale estivale en collaboration avec Ciné Télé Revue et 365.be. Et si vous changiez d'air ? Pour une fois, connectez-vous à la nature. Forestia, aventure au cœur de la forêt. Forestia.be. La Pro League, la Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League, les Diables Rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. Delta Construction, spécialisée dans la réalisation de maisons unifamiliales sur mesure, vous invite à découvrir une maison basse énergie à Villers-le-Bouillet, rue de Beaudenier, le week-end du 27 au 28 août de 13 à 18 h. Plus d'infos, delta-construction.be. Delta Construction, votre maison comme vous l'imaginez. Bon, sérieusement, ça a été vos vacances, vous êtes parti, Christophe, vous êtes libre de raconter ou pas? Bah, ça se voit que je suis un peu parti au soleil ou pas? Ça se voit. Ça a été vos vacances, Thierry? Mes vacances en France, écourté, une illumination à Lille. Ah non, ça c'était le boulot, donc je suis retourné en France. Pas des vacances pour les diables. Vous êtes partie, Sarah? Oui, ça me paraît loin déjà, mais tout s'est bien passé. Étranger? Oui, en France, sud de la France. En France, soleil. Ils ont tous bonne mine, prêts à redémarrer. Notre invité tout à l'heure, en live après l'été des best-of, c'est un jeune homme qui est DJ, bruxellois, jeune, qui cartonne en ce moment avec un titre qui s'appelle Home. Ce truc n'a pas pu vous échapper. Il s'appelle Henri. Henri comment, Sarah? Voilà. Mais sauf que les vrais dans le milieu disent Henri PFR, mais il a choisi PFR qui fait comme pseudo. Mais on doit pas dire Henry PFR. Ouais, il aime bien PFR. Dire PFR. Et il sera dans le 8-9 tout à l'heure. Le regard sport, Thierry, on redémarre cette saison avec les jeux ou du foot? Vous DJ, ça la Thomas Meunier, je trouve. C'est vrai qu'il y a un air. Il y a un air de famille. Il y a un air. Il y aura quoi dans le regard sport tout à l'heure? Le bilan des JO qui sont terminés lundi passé, bilan belge. Mathématiques, émotionnelles aussi, et notre biorhythme a un petit peu changé, hein, parce qu'on a dû regarder ça pendant la nuit, et puis un peu de foot aussi, avec les résultats d'hier, et Perbé, qui mérite plus que jamais son surnom, Perbut. À la Gantoise, parce qu'avec tout ça, on a un peu oublié le foot, pour tout vous dire. Bon, il est 8h21, Cactus, y a pas. Il est quoi? Il est pas là. J'attends le bobard qu'il inventera, parce que systématiquement, quand il était calé l'an dernier par un embouteillage, il m'a envoyé un petit SMS. Or, sur mon GSM, rien reçu. Vous croyez que ce serait grave? Eh ben, on va l'appeler. Attends, fais sonner son GSM. La régie à numéro compose. 8h21, appel. C'est dingue. Je vais chuchoter s'il dort, j'appelle. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Jérôme de Warzée. Je ne suis pas là, vous pouvez laisser un message. Hormis si vous faites partie de l'RTB, il faut quel cas. Ne m'emmerdez pas avant le 29 août, date officielle de la rentrée. Merci. On laisse. Jérôme. 29 août, c'est le 22. Ramène ta fraise. Mais ouais, Jérôme, qu'est-ce que vous faites? On veut rire. Bonsoir, alors il y aura sanction à la clé. Christophe Grandjean va à la direction à 9h. Moi, je prends son salaire. Ça, c'est le truc qui va le faire revenir. Vous avez un petit poutou à lui faire. On va lui préparer un gage. Gros bisous, Jérôme. Mais ne le dites pas, il entend avant de raccrocher. Thierry, vous voulez... C'est 25 coups de fouet par jour de retard. Vous pas comme ça, vous. Raccroche. Arrêtez, parce que ça pourrait le... Oui, il adore. À... à ne pas revenir. Bon, alors, puisqu'on n'a pas de nouvelles, j'ai dans mon GSM le numéro 2. Attendez... de James Dino, parce que Cody, j'ai vu ça sur Facebook, Cody part en Afrique, donc on ne peut pas l'appeler. J'ai demandé à Guillaume, qui est réalisateur hors antenne, numéro de James Dino, on va essayer de l'appeler. Vous avez éventuellement le numéro de Kiki, vous, Thierry? Oui, je l'ai, oui. Ouais, vous l'avez sur votre GSM? Bien sûr. Il n'est pas parti en France avec Visorec, quand même. Que la France nous l'aurait volé. Mais ouais. Christophe a raison, c'est une alerte enlèvement. Un transfert, c'est le mercato. Hein. Ouais. Thierry, donnez votre GSM à Guillaume. J'arrive. Comme ça, on essaie d'avoir soit Kiki, soit... James Dino tout à l'heure. Bon, pendant que Thierry cherche, 8h23, alors c'est le Zap Télé, Sarah. Forcément, on est un peu obligé. Hein, on va reprendre nos habitudes. Hein, bon, alors Zap Télé pour redémarrer la saison avec un vrai clin d'œil à Alix Bâtard, qui est la présentatrice du JT d'en face. Et des tonnerres d'encouragement, je ne sais pas si vous avez lu l'info, elle est tombée hier. La présentatrice de l'info à RTL a envoyé un communiqué à toute la presse en nous disant que sa petite, c'est son aînée, Théodora, souffrait d'un cancer du rein et qu'elle suivait une chimiothérapie, que c'était très compliqué, évidemment. Elle a deux ans et demi. Elle est toute petite et donc là, elle suit les traitements. Mais il faut savoir que le taux de guérison est assez bon pour ce genre de cancer. On est à 90%. Donc c'est une dure épreuve pour Alix Bâtard. Et Laurent Houlotte, vous voyez qui c'est Laurent Houlotte? Oui, c'est l'ancien présentateur du JT qui est maintenant directeur d'info et sport pour la maison d'en face. Et donc ils forment un couple dans la vie et c'est leur aîné qui est vraiment en souffrance pour l'instant. Ils ont aussi une petite deuxième qui est Georgia, qui a 4 mois. Donc c'est vraiment compliqué pour ce beau couple. Et donc on envoie plein de cœurs, de bisous et d'encouragement pour ce couple avec les mois, les semaines qui vont être difficiles. Mais ce serait qu'un mauvais souvenir dans quelques temps. On les encourage. Pour être honnête, pourquoi on en parle ce matin, c'est pas pour instrumentaliser le truc, mais ils ont choisi eux-mêmes de communiquer pour partager ça avec les familles qui ont subi le même genre de problème. Et donc c'est un simple petit clin d'œil et plein d'encouragement. Donc on fait le même métier, c'est pas les mêmes maisons, mais on est là avec eux. Mais à partir de demain, re-zappeler avec des potins sur qui fait quoi, qui présente. Après, demain on dit du mal d'RTL. Hein. Ah, d'accord. Demain on reparle des lunettes d'Akima Darmouche. Vous avez des potins dans le métier, Thierry, pendant les vacances, vous avez obtenu des infos ou pas? Non, moi je suis encore sur ma thématique cimetière, donc vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose. Alors, Thierry est un passionné de cimetière, vous en avez fait au moins un pendant les vacances ou pas? Si je vous dis combien j'en ai fait, vous allez me prendre pour un malade mental. Oh, bon, on n'est plus à ça près, allez-y. J'en ai fait 29. 29? Oui. Sérieusement? En région parisienne et en Provence et à la Côte d'Azur. Et alors, je fais une parenthèse que c'est Vie ma vie, et après il nous expliquera ses maquettes en allumettes, puisqu'il fait des châteaux. Ça, c'est dans le dîner de con. En allumettes, ben ouais, je sais bien. Vous refaites les cimetières que vous avez déjà fait ou c'est Non, je n'ai fait que de l'inédit, mais je fais aussi des recherches pour mon futur ouvrage. Donc j'ai fait aussi les tombes de Belges. Ah, là nous avons. L'utile à l'agréable. Monsieur prépare un livre. Là. Sur les tombes célèbres, alors, ou de personnes célèbres. Sur les Belges célèbres. Ouais. Ok. Ah ben, il y a du boulot. Hein. Ah ben, vous nous direz, vous serez invité du 8-9. D'accord, avec plaisir. À ce moment-là. Bon, 8h25, on va voir qui on a pu appeler. Soit c'est Kiki l'Innocent, soit c'est James Dino qui est en ligne. C'est James Dino qu'on est parvenu à joindre. Salut James. Oui, bonjour Benjamin. Que se passe-t-il là? J'entends la voix qu'on le réveille, le petit James Dino. Bah évidemment, je me réveille comme tout le monde, je suis comme tout le monde. Hein, donc moi aussi, le matin en général, je me réveille évidemment. Bon. Comme nous. Petit coup de fil improvisé, parce que Jérôme a disparu. On n'a pas eu de nouvelles, il n'y a pas eu de cactus ce matin, alors que c'était largement prévu. Vous avez des news? Parce que moi, honnêtement, je n'ai plus de nouvelles de Jérôme depuis 10 jours. On s'est envoyé un petit message, j'étais en vacances. Vous avez eu des news? Mais moi, j'ai pas de news. Hein. Vous rendez bien compte que moi, je me tape tout ce bonhomme pendant toute l'année. Donc, évidemment, pendant les vacances, j'essaye de souffler un peu. Mais donc, moi, j'ai pas de news. Je suis un peu inquiet parce que c'est pas le genre de la maison, je dirais. Il est quand même plutôt ponctuel, ce garçon, là, non? Ah, ben, en général, ouais, il est ponctuel. Vous savez s'il est parti en vacances ou pas? Ce qui pourrait expliquer un loupage d'avion, ça arrive de temps en temps, un retour qui n'était pas prévu. Vous savez s'il est parti? En tout cas, je pense qu'il a le pognon pour, mais. J'aime bien ce moment où il est pas là parce que tout le monde va balancer à l'aise sur Jérôme. J'aime beaucoup ce moment, Thierry. James, bonjour, Thierry Luters, ça va bien? Bonjour Thierry, ça va? Tu as passé des bonnes vacances alors, j'entends. Excellent, je te remercie. On se revoit bientôt dans le Grand Cactus. S'il y a encore un Grand Cactus, parce qu'au travers vont les choses, on ne sait pas ce qui va se passer. Si on ne retrouve pas Jérôme, on va tous se retrouver au chômage. Donc, sérieux, ça redémarre quand? On continue à chercher. Ça redémarre quand? Mi-septembre. Mi-septembre, donc ça lui laisse 15 jours pour revenir. Bon, ben, James, tant que vous êtes là, vos vacances, alors vous avez fait quoi? Donc après la fin des Enfants de cœur et du Grand Cactus, vous avez fait quoi de vos vacances, vous? Ben, moi, je suis parti évidemment en famille avec ma petite fille. Je suis parti en Espagne, j'ai découvert ce pays. Je croyais que c'était un pays de beauf. Ben non, c'était un très beau pays et je retournerai. Et c'est vrai que. Il est fou de dire ça. Ils apprécieront. Les trois quarts du monde vont en Espagne parce qu'on n'en peut aller ailleurs. Ne me dites pas que vous avez fait Torremolinos, monsieur Dino. Non, j'ai pas fait Torremolinos. Benidorm. C'est un beau pays. J'ai eu une belle surprise. Non, j'étais du côté de Murcia. Et je dois dire que j'ai été très étonné de ce beau pays. Voilà, vous voyez comme je me rattrape bien. Oui, c'est pas mal. Mais c'est vexant. Pourquoi vous n'avez pas été à Benidorm? Pourquoi vous n'avez pas fait... Benidorm, j'ai plus l'âge d'aller à Benidorm, Benjamin. Moi, j'ai 36 ans, maintenant, c'est terminé. Non, vous n'avez pas encore là. Pas encore, oui. Oui, il y a des tranches. Bon, James, essayez quand même de passer un petit coup de fil à Jérôme, parce qu'on essaie d'avoir des nouvelles. Et vous savez quoi? On se rappelle tout à l'heure pour voir. On fait la course au premier, tout le monde a son GSM. Le premier qui a un SMS de Jérôme, ok, le dit à l'autre et gagne la reconnaissance éternelle du service public. Bon, on va faire le rappel des titres. C'est la rentrée sportive à Médiacité. Tu as entre 4 et 11 ans? Alors, participe aux initiations sportives proposées par l'Académie Provinciale des Sports. Ce samedi 27 août, à Médiacité Liège. Avec la présence des joueurs de Liège Basket et la collaboration du service des sports de la province de Liège. Toutes les infos sur mediacité.be. Merci et bravo à tous les athlètes et médaillés du Team Belgium. Vous nous avez fait rêver sur la 2, Vivacité et RTB Fovio. Génial, le parc du Montmauzan. Les spectacles d'otari, de perroquets, le mini-zoo, les attractions, le mini-golf, la plaine de jeux. Mes parents aussi ont adoré. D'ailleurs, ils m'ont promis qu'on y retournerait. Une journée est toujours inoubliable au Montmauzan, pleine de la Sarthe à 8. Surfez sur montmauzan.be. Parc le Montmauzan, une montagne d'amusement. Vivacité présente les Showcase Joker Plus du Beau Vélo de Ravel. Hello, c'est Balloons. Je vous invite à me retrouver ce samedi 27 août à Mété lors du Beau Vélo de Ravel. Je suis heureux de partager la scène avec Suarez et le duo Fanfan. Ensemble, on va vous en mettre plein les oreilles. Rendez-vous en pleine forme ce samedi. Le Showcase Joker Plus du Beau Vélo de Ravel, ce samedi 27 août à Mété. Un événement gratuit et accessible à tous. Joker Plus, chaque jour est un jour de chance. La rentrée scolaire avec Le Soir. Français, maths, sciences, histoire, géo. Le Soir propose 4 rendez-vous destinés aux jeunes lecteurs qui rentrent en secondaire et souhaitent remettre à jour leurs connaissances. Chaque jour, 2 pages d'exercice avec leurs correctifs pour bien réviser. En route vers le secondaire, du 22 au 25 août, avec Le Soir. Et vous nous rappelez, Christophe, l'actualité de ce lundi. La fin cette nuit des Jeux Olympiques de Rio, cérémonie de clôture sous une pluie battante. Heureusement, il y avait la musique brésilienne pour réchauffer l'atmosphère, ainsi que les personnages de manga et de jeux vidéo pour symboliser le passage de témoins à Tokyo où auront lieu les prochains JO. L'imam radical de Dizon a été arrêté hier soir avec sa femme et son fils. Son fils qu'on avait vu dans une vidéo où il proférait des menaces à l'encontre des chrétiens dans les rues de Verviers. Et puis l'avenir de l'Europe sera examiné aujourd'hui. Les dirigeants allemands, français et italiens se retrouvent sur l'île italienne de Ventetone pour tenter de donner un nouveau souffle à l'Union européenne après la sortie du Royaume-Uni. Oui mais, ça démarre sous un ciel nuageux avec de la pluie. Oui mais, les éclaircies sont plus nombreuses cet après-midi, notamment à partir de la France, et 23 degrés de maxima. Tout à l'heure, notre invité, un jeune talent belge, Henri PFR. Dans les médias, il est 8h30. L'info de notre région. Bonjour Françoise Dubois. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Le fils de l'imam radical de Dizon interpellé, ça s'est passé hier soir aux alentours de 17h. Le jeune homme est l'auteur de cette vidéo filmée dans les rues de Verviers où on le voit chanter une prière de haine, un appel au meurtre. L'interpellation s'est déroulée sans heurts, dans le calme. Le jeune homme et son père avaient d'ailleurs annoncé qu'ils comptaient se rendre d'eux-mêmes à la police pour s'expliquer à leur retour de vacances. Cette interpellation, c'est tout de même un soulagement pour Benoît Dantine, c'est le bourgmestre faisant fonction. L'intéressé avait des propos assez extrêmes et donc je crois que cette personne devait quand même faire l'objet de surveillance et on ne peut pas tolérer ce genre de choses dans notre société. Bien sûr que c'est inquiétant, mais je pense que ce n'est pas un phénomène propre à notre commune. L'oisiveté, le manque d'instruction et la concentration d'un même type de population dans un arrondissement sont des ingrédients qui ne mènent pas à un épanouissement pour tout un chacun. Benoît Dantine, quant à la suite, elle devrait se dérouler devant un juge de la jeunesse pour ce jeune homme. À Marchin, le lisier des agriculteurs va-t-il servir à chauffer les bâtiments communaux? Le projet d'installer une unité de biométhanisation existe dans cette commune, montant de l'investissement prévu entre 3 et 3 millions et demi d'euros. L'enquête publique commence aujourd'hui. C'est une société du Hainaut, la société Jouletech, qui a introduit la demande de permis. Mais Barbara Schall, comment cette unité va-t-elle fonctionner? Eh bien, le principe est simple. Il s'agit de transformer le fumier et le lisier d'approvisionner des éleveurs locaux en énergie. Après stockage, on obtient du biogaz et ce biogaz va servir à faire tourner un moteur qui, lui, fournira séparément électricité et chaleur. Mais à Marchin, la circulation de véhicules et les odeurs ne risquent-ils pas d'incommoder les riverains ? Eh bien, pour ce qui est du trafic, le prometteur annonce à peine 2 allers-retours par jour pour alimenter l'unité de biométhanisation. Quant aux odeurs, Michel Marlot de la société Jouletech se veut rassurant. La réaction, de toute façon, est entièrement couverte puisqu'elle se fait dans une installation fermier. D'autre part, le produit, donc ce qu'on appelle les digestats, qui va être après épandu sur les champs, mais ces digestats n'ont plus du tout d'odeur. Donc, en global, c'est moins odorant que la dispersion traditionnelle, notamment par exemple des lithiers sur les champs qui créent eux certains problèmes olfactifs à certains moments de l'année. Et comment la commune accueille-t-elle le projet ? Eh bien, le bourgmestre de Marchin y est plutôt favorable. Outre l'intérêt environnemental, à terme, la biométhanisation pourrait servir à chauffer à bas prix les bâtiments communaux situés au centre, mais aussi le hall omnisport et l'Athénée. Tout dépendra évidemment maintenant du résultat de l'enquête publique. Elle s'achève le 5 septembre. Merci Barbara. Un dossier préparé par Eric Dagonier. Pépinière d'artistes, le quartier Saint-Léonard à Liège a même été renommé le temps de week-end Saint-Léonard. Saint-Léonard, c'était pendant 2 jours un parcours artistique mêlant artistes et habitants du quartier. Le reportage de Lorraine Macoubiquois. Je dirais multiculturel, artistique et militant. Échange et partage et rire. C'est en ces quelques mots que les artistes et habitants de Saint-Léonard qualifient leur quartier. Ce quartier de 12 000 habitants se caractérise aussi par son tissu associatif, culturel et artistique. Caroline Kochter, coordinatrice pour le parcours Saint-Léonard. C'est un quartier où les arts sont là et sont omniprésents. Et puis il y a énormément d'ateliers aussi d'artistes. Rien que sur le parcours, on a 25 lieux ouverts et il y a plus ou moins 18 lieux qui sont ateliers chez les artistes. On dénombre plus de 200 artistes et artisans au sein du quartier. Obé Albitar, artiste graveur et peintre syrien, fait partie de cette pépinière. Il est également artiste membre du parcours Saint-Léonard. Les scènes liégeoises artistiques, c'est très riche, c'est très intéressant, surtout à Saint-Léonard. Skash, slammer et artiste peintre. Je dirais qu'il y a une certaine culture alternative qui se développe et c'est un quartier qui permet aux artistes liégeois de se mettre en avant. Mais justement, pourquoi Saint-Léonard ? Tosca, artiste peintre et graffeur. Surtout parce qu'il y a énormément d'ateliers, il y a énormément d'hangars, ce qui découlait finalement de Arcelor. Et donc maintenant, il y en a un peu moins. Donc il y a plein d'ateliers un peu partout, cachés derrière des maisons parfois. À Saint-Léonard, de l'économie à l'art, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. On passe au sport avec pour rappel le nul blanc du Standard face à Charleroi et le beau 2-2 de Penn qui recevait Anderlecht. Et puis en rallye, Thierry Neuville a signé une très belle 3e place au rallye d'Allemagne, un rallye remporté par Sébastien Ogier. Le pilote de Saint-Vith était content, quoique. Moi, un peu des sentiments mitigés. Effectivement, on est content d'être là et d'avoir fait une belle course. Mais frustré aussi d'avoir loupé encore une fois une place plus proche sur le podium ou plus en avance. Ici, on aurait pu faire 2e. Les 2 dernières courses, déjà, on a loupé le podium pour 8 dixièmes et 3 secondes. Donc, c'est frustrant, mais ça fait partie du rallye. On a malheureusement eu un petit souci qui nous a coûté 10 secondes avec la direction. Et puis, quelques petites erreurs le premier jour avec le tête à queue, 5 secondes de perdu. Hier aussi, j'ai fait des petites erreurs qui nous ont coûté 5-6 secondes. Donc, à la fin, on aurait presque plus bataillé pour la victoire. Une interview d'Olivier Gaspard. Excellent lundi à tous. Et à 9h, c'est vous qui le dites, le retour des 3 débats sur la table. D'abord à Lierneux, si quand scout on fait des dégâts, canettes dans les bois, vols, nuisances sonores, les petits délaissés, pourquoi les animateurs ont-ils laissé les choses déraper à ce point-là? Ensuite, l'appel de Mohamed VI aux Marocains hors Maroc, préserver notre bonne réputation. Est-ce que c'est un rappel à l'ordre aux Marocains? Vous le direz. Et puis dites la vérité à Serge. Vendredi, cet habitant de Flénus s'est fait voler 6 bébés chihuahua, il lance un avis de recherche, mais a-t-il une chance de revoir les animaux? Marion Jomotte, le Standard est déjà ouvert. C'est vous qui le dites, de retour, alors soyez les premiers à réagir au premier sujet de cette nouvelle saison de débat. Pour nous joindre, les numéros n'ont pas changé. 070-233-466 ou par SMS au 3063, 50 cents par message. N'oubliez pas non plus la page Facebook de C'est vous qui le dites, les sujets sont déjà en ligne. RTBF Mobile Info, il est 8h37 et on retourne vers les grosses battes. Est-ce que le véhicule en panne là-bas, Benoît, crée des problèmes de circulation ou pas ? Non, il ne crée pas de problème de circulation. Il est toujours présent sur la voie publique. Donc, on vous rappelle, hein, c'est dans la direction de Bruxelles et le passage est difficile à la sortie 38 des Grosses Battes. Pour le moment, le trafic reste fluide de ce côté-là. On rappelle cet accident également. Si vous allez vers Bruxelles, c'est dans l'échangeur de Woluwe et Saint-Etienne. Ça peut créer des files. Elles sont d'ailleurs présentes à partir de Sterrebeek en direction de la capitale. Une bande de circulation est neutralisée dans la bretelle reliant le 40 venant de Liège au ring de Bruxelles en direction de Waterloo. Et puis un radar sur le 42. C'est en venant de Malmedy en direction de Bâtisse à l'entrée du chantier de Sarlespa. Attention, ce radar est paraît-il bien planqué derrière un panneau et la vitesse est limitée à cet endroit. Un problème sur la route? Prévenez le 04 344 76 44. Il est 8h37, la suite du 8-9 dans un instant. Bien sûr, il buzz même. Très bien. C'est vrai que c'est un choc. Il buzz comme un dieu même. C'est pas possible, c'est une rumeur. Mais il n'y a pas que ça. Humour, info, invité, musique, météo, infoservice, billets d'humeur. Défaut d'avancer plus vite, ça vole plutôt bas. Allez, avouez-le, le 5 à 7 de vivacité, entre Cyril et vous, c'est bien plus qu'une simple histoire d'actu. 5 secondes, ce n'est pas assez. Ce morceau en entier passe bientôt sur Vivacité. Le 8-9, c'est la rentrée, les enfants, pas la rentrée de l'école. Non, c'est la rentrée du 8-9. D'abord, soulignons les présents. Sarah de Padua, c'est très présent. Très bien. Hein. Très au bien. Premier rang. Ouais. Vous êtes beau, Benjamin. Pierre Luther est présent. Bonjour, Benjamin. Le noir vous fait ravir. Et vous avez une mine, vous, alors là. Oh là là, Thierry. Absent, Jérôme de Warzé. Toujours pas là. Alors visiblement, et toujours sans nouvelles. C'est dingue. Ouais, c'est dingue quand même. On essaiera de le rappeler tout à l'heure. Et pourtant, j'ai mon GSM dans la main. Pas un seul SMS. Thierry, vous non rien. Plus. Ouais, Sarah. Non. Non. Pas. J'ai pas mon téléphone en même temps. Peut-être qu'il a mon numéro, il essaie de m'appeler. Et donc, vous pourriez aller voir. Ça fait 39 minutes qu'on scie en disant il est là, il est pas là, il est pas là. Bon, tant pis pour les absents. Alors, place au présent. 8h39, premier invité de cette nouvelle saison. C'est un jeune DJ belge qui a cartonné tout cet été avec. Oh! Cette sonorité n'a pas pu vous échapper. Et le DJ est là ce matin, Henri PFR, bonjour. Et bonjour Benjamin, bonjour à tous. On va essayer de régler ça tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ce pseudo? Parce que tout le monde dit... Pfff. Ouais, c'est compliqué. Les Anglais ne savent pas comment on prononce non plus. PFR. C'est ça, c'est un peu compliqué. Pourquoi? Ça vient d'où PFR? Mon vrai nom en fait, c'est Henri PFR. Ouais. Et j'ai enlevé les voyelles et ça a donné PFR. Eh ben, on a loupé le pari avec l'équipe parce qu'on pensait que c'était lié à PFL. Vous savez, sur les tables de mixage, quand on fait une pré-écoute, il y a une touche PFL. Non, malheureusement, non, ça n'a rien à voir. C'est juste mon prénom que j'ai enlevé les voyelles. C'est assez bête. Ok, alors vous êtes DJ en ayant sillonné toute la Belgique cet été. Vous nous faites la liste des festivals dans lesquels on vous a croisé parce que vous en avez fait quelques-uns. Cet été, en Belgique, j'ai été au Summer Festival, ouais. À Dour, au Francofolie, à Esperanza. Et puis après, j'ai aussi fait beaucoup à l'étranger, dont le Balaton Sound Festival en Hongrie, en Allemagne, à Rockaville. Enfin, il y a eu plein de chouettes dates. Et un peu partout en Europe et même en dehors de l'Europe, donc c'est cool que ça commence à déchirer. Ah, ça démarre à l'étranger. Cette semaine, il fait beau, prenez un peu le soleil, reposez-vous. Oui, c'est ça. De toute façon, vous avez beaucoup tourné. Ouais. Mais ces gens ne vivent que la nuit, les DJ, forcément. Alors, comme nous, on vous découvre, le grand public vous découvre, vous avez déjà un set, vous avez de quoi mixer pendant une heure, deux heures, trois heures en club. Vous fait, avez quoi comme set? Donc, ça dépend. En fait, j'improvise toujours un peu, mais j'ai plein de morceaux. Je pourrais tenir une dizaine d'heures s'il faut, jusqu'à ce moment où le corps dit OK, on lâche maintenant, on dort. Mais par exemple, là, pour l'instant, on va faire surtout une grosse date importante le 11 mars. On va sûrement en parler après. Ouais, c'est l'abbé, c'est votre premier spectacle à vous tout seul. Il est bien parce qu'il glisse sa promo. Il glisse sa promo. Automatiquement tout seul. Ah bah alors, recommençons à zéro, comme ça on a tout. Âge, Henri PFR. Moi, j'ai 20 ans. 20 ans. Ville de vie ou ville de naissance? Bruxelles, justement. Donc Bruxelles, je viens d'ici. Vrai belge. Alors, vous commencez le piano à 7 ans, et puis ça va intéresser tous ceux qui rêvent d'être DJ un jour. À 13-14 ans, vous faites un stage pour apprendre à mixer. Vous avez fait ça où? J'ai fait un petit stage à Academix. C'est une école qui n'existe malheureusement plus. Ouais. Et c'est parce que, mine de rien, investir tout un matériel de DJ, ça coûte de l'argent. Et il fallait que je sois sûr que ce soit ce que j'adore et ce que j'ai envie de faire plus tard. Et vous avez appris quoi? Mixer avec des vinyles? J'ai commencé sur vinyle. Donc, c'était il y a quand même 8 ans maintenant. J'ai commencé sur vinyle. Et puis après, on évolue, on achète du matériel, du nouveau matériel. Et là, maintenant, j'ai passé sur du nouveau matériel avec des clés USB. Et moi, Thierry n'est pas le dernier en club, vous le savez. Alors, Thierry, rappelez-moi ce qu'est la Deep House. Parce que son style, c'est la Deep House. Rappelez-moi. C'est la maison profonde. D'autres questions? maison. Voilà. C'est la house, la vraie, la profonde. Quoi. La vraie, ça bouge. J'aime bien parce que tous les deux, vous me prenez pour un ego en train de m'expliquer. Je sais pas. C'est quoi la deep house? En fait, la deep house, c'est un style. C'est, on imagine par exemple un morceau des Rolling Stones, une version acoustique avec la guitare et la voix, et on va rajouter une sorte de rythmique électronique dessus. Faites-moi le son parce que je comprends pas bien. Donc c'est quoi? C'est plutôt. Donc. Faites-moi le son. C'est comme ça. Un son assez calme, assez vacances, avec une petite guitare acoustique dessus, une petite voix chantée. Enfin. Et c'est ça qui est chouette, c'est que c'est un son qui peut s'écouter un peu partout. Ça peut s'écouter dans son salon, comme ça peut s'écouter en boîte de nuit, vu qu'il y a le côté électronique, il y a le côté calme aussi. Ça ne passerait pas au Fuse, par exemple. Ça n'a rien au à voir avec ça. Ça ne passerait house. Pas, je pense, ouais. peut-être. Qui est une discothèque branchée de la capitale. Et que, vous sortez encore au Fuse? Mais non, mais ça me rappelle mes souvenirs. Oh là là, ouh. Et enfin, à l'époque où on sortait, c'était au Dancing. Mais non, j'avais peur d'y aller, figurez-vous, à l'époque, parce qu'il y avait des petites pilules et tout ça. Ah oui, mais je ne sais pas s'il y a encore ça dans les discothèques. Il y avait le garage aussi. Le garage, j'ai connu. Derrière la grande place. Vous qui mixez encore dans les clubs, rassurer les vieilles personnes. Il y a encore des petites pilules qu'on donne aux jeunes ou il n'y a plus ça? Je ne sais pas trop. Moi, je ne suis pas trop dans tout ça, mais j'espère que non quand même. J'espère très bien. Très, très bien. Belle réponse. Oui, belle réponse. Alors, parcours toujours, parce que la biographie des jeunes artistes est importante. 15 ans à votre premier mix à la Valentine's Night. C'était la soirée scout, ouais. C'était dans quelle unité scout? Je ne me rappellerai plus l'unité. Je ne me rappellerai plus. C'était à Bruxelles? C'était à Saint-Dominique. C'était vraiment une petite soirée. C'était rigolo. Je ne savais d'ailleurs pas que vous avez eu cette info. C'était vraiment le premier mix dans une soirée scout. Ouais, je vois bien le truc. Je vois des gobelets de bière à droite et je vois des gens qui s'embrassent à gauche. Ben voilà, c'était vraiment ça. Et un totem au milieu. Évidemment. Et le DJ qui est tout seul. Je crois qu'il va emballer les filles, évidemment. Alors, dans le parcours, vous avancez. Il y a la rencontre à un moment avec Robin Schulz. Mm-hmm. Ce nom-là n'a pas pu vous échapper. Robin Schulz, ça ressemble à ceci. Et vous avez même collaboré ensemble, ça a donné ceci. Bon, Robin Schulz, j'ai bien compris que c'était un ami à vous, mais vous êtes un peu... Il y a une bande des DJ belges, il y a un autre nom qui fonctionne très bien en ce moment, c'est Lost Frequencies. Mm-hmm. Vous êtes amis, vous connaissez, vous travaillez ensemble, ou c'est des univers très différents? Mais non, justement, Lost Frequencies et moi, on était ensemble en classe, encore il y a 2 ans. C'est pas vrai. Si, on était voisins de classe, et donc il est venu souvent chez moi, moi j'ai été souvent chez lui. Et maintenant, ce qui est drôle, c'est qu'on se croise plus du tout à Bruxelles, on se croise justement à droite à gauche, et en backstage de festival, ça qui est assez fou, c'est mais de voir l'évolution. Il y en a d'autres qui vont devenir DJ ou pas dans la classe? Non, mais par exemple, le tour manager de Lost Frequencies, c'était mon autre voisin de classe aussi. Enfin, c'est comme ça un petit monde. C'est quelle école? C'était à l'ILB, on était ensemble à l'ILB. Et oui, c'est assez fou parce qu'au final, on voit tous les deux. Enfin, je me rappelle à ce moment-là, elle me disait: oui, regarde, j'ai fait un truc, ça s'appelle Are You With Me, t'en penses quoi? J'étais là, c'est cool, ouais. Moi j'ai fait un morceau, il s'appelle Tarida, t'en penses quoi? Et puis après, Are You With Me a été premier en Europe. Tarida a été aussi dans le numéro 1 en Belgique, donc c'est assez fou, quoi. Je suis un peu moins impressionné parce que je pensais que c'était à l'école secondaire. À l'école ULB, il y en a beaucoup qui sont passés quand même. Hein. On doit bien rajouter à mon avis 2-3 ministres, 2-3 journalistes. Un tiers de droit sportif, ouais, qui ont dû passer là aussi, forcément. Non, parce que l'ULB, c'est grand, on était vraiment dans la même classe, exactement, dans l'ULB même les mêmes études, c'est ça, même local. Alors, un véritable vivier. Ouais. C'est ça. Vous avez des études de quoi? Sciences économie. Vous avez eu le diplôme? Malheureusement pas. Là, pour l'instant, je me concentre à fond dans ma musique. Pas grave, ça débouche sur le 11 mars à l'Abbé, donc ce sera votre premier show. C'est pas dans un club, c'est pas une discothèque. L'Abbé, c'est une vraie salle de concert. Mm-hmm. Vous allez faire quoi le 11 mars à l'Abbé? Mais c'est un gros challenge parce que l'Abbé, c'est quand même 2000 personnes et c'est vraiment à mon nom. Donc, c'est essayer de ramener 2000 personnes dans ma ville à Bruxelles. C'est un super challenge, c'est super excitant. Et on va essayer de proposer, justement, maintenant, c'est dans 7 mois, c'est le 11 mars. On va vraiment travailler pendant tout ce temps-là, vraiment sur. Vous devrez mettre un peu de Claude François, hein, parce que c'est l'anniversaire, c'est l'anniversaire de sa mort, le 11 mars. Le 11 mars, c'est l'anniversaire de la mort de Claude François? Ouais. Ah ben, je vais en mettre un petit peu, sûrement. Ouais. Vous mixez jamais du Claude François? Non, j'aime bien prendre justement des vieux morceaux et les remixer justement un peu au goût du jour. Mike Brandt. Pourquoi pas Claude François, d'ailleurs. Mixer du Mike Brandt? Mike Brandt, non. C'est peu dansant, faut dire. Oh, laisse-moi t'aimer en deep house. Ah oui, avec le deep house, oui, c'est tout chaud. Ah ouais, ça peut être pas mal. Mixer du Sardou. Du Michel Sardou. Ouais. J'aimerais bien. Un Numara. Avec les serviettes. Ah oui, vous mixez du Sébastien. Et on fait tourner les serviettes. Ouais, c'est presque un vrai DJ. Allez. Henri PFR, notre invité ce matin, et la sonorité qui s'appelle donc Home. Merci d'être passé ce matin. Un grand merci pour l'invitation. Et à bientôt à Dubaï ou dans le monde, au Fuse, dans les couloirs de l'ULB. Voilà ce qu'on va faire ce matin. Il est 8h47, on reprend nos habitudes. Le Kikadi, vous voulez jouer? Il y a une place. Last minute, dans quelques instants, je vous propose une citation qui est puisée dans l'actualité. Vous trouvez le bon auteur de cette citation et vous repartez avec le cadeau. Il faut s'inscrire maintenant au 3063. Vous indiquez « Je veux jouer », nom, prénom, coordonnées complètes. On vous appelle dans la seconde. C'est un vrai last minute. Vous avez 30 secondes pour envoyer ce SMS au 3063. Je vois qu'Henri PFR prend son GSM. Vous ne pouvez pas envoyer le... Ah non, il fait un selfie. Il fait une vidéo, là, je crois. 3063, inscrivez-vous maintenant et vous indiquez « Je veux jouer », nom, prénom, coordonnées complètes. Bonne chance, Kikadi, dans une seconde. Le PC portable Asus disque dur 1 Tera à 499 euros. Chez Cora, PC, ça veut dire pas cher. Une rentrée comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. Cinq secondes, ce n'est pas assez. Ce morceau en entier passe bientôt sur Vivacité. Le 8-9. C'est le genre de la rentrée sur Viva. Vous savez si les sportifs sont déjà rentrés de Rio, Thierry ou pas d'ailleurs, toute la bande. Ce sera la grosse partie de la délégation demain soir. Parce qu'il faut quand même bien se dire que ces mecs ont travaillé en décalage complet. Hein. Le jour était la nuit, la nuit était le jour. Des jeux de nuit. Bravo à tous. Ouais. C'était génial. Vous avez suivi quoi dans les jeux, Sarah? La gym. Gym, ouais. Le hockey. Ouais. Voilà. Okay. La lutte, vous n'avez pas suivi la lutte? Non. Ah, j'ai vu une image, Best of Hier sur France 2, ouais. Où il y a un lutteur qui, à un moment, après avoir pris... Ah non, c'est pas un lutteur, c'est un mec qui prenait des poids, et après avoir porté un poids de X kilos, il a fait une petite danse un peu à la Gangnam Style. Vous l'avez pas vu celui-là? Non, moi j'ai vu le coach mongol qui a commencé à striptease pour montrer sa désapprobation vers le jury, parce que son athlète avait été pénalisé. Vous n'avez pas vu? Non, j'ai pas ça vu. Ça a fait le buzz hier. J'ai pas vu. Le beach, j'ai regardé aussi, beach volley et la natation. Ouais. Ok, je me disais bien qu'il y avait une liste. Oui. C'est pour ça que j'attendais. Bon, nous jouons à Tournai. C'est Sophie qui est en ligne. Bonjour. Bonjour. Salut Sophie. Hello. C'est un salut, jour... salut à tous. C'est un jour de rentrée pour vous ou c'est pas du tout ni rentrée des classes ni rentrée de boulot? Non, il y a déjà un moment que je travaille. Ah, bah ça va être une vieille histoire. Ouais. Vous avez regardé quoi au jeu, vous? Un événement qui avait lieu à Rio, qui s'est terminé hier. N'en ai jamais entendu parler. Ah oui, mais j'ai rien. Non, c'est parce que je ne regarde pas beaucoup la télé, donc automatiquement... Eh bien alors, concentrez-vous sur la radio. Cela dit, c'était génial et tout, mais c'est bien que ça s'arrête un moment, le sport à la télé, je trouve. Après la Coupe du Monde, les JO, voilà. L'euro. Ça fait plaisir. C'est comme tout. Tout est bien, mais c'est bien quand ça s'arrête. Voilà. Quand même. Le Kikadi recommence, Sophie. Voici une citation à identifier, puis vous pourrez demander l'aide d'une seule personne autour de la table. Certains diables donnaient l'impression que ça les emmerdait d'être à l'euro. Certains diables donnaient l'impression que ça les emmerdait d'être là à l'euro. Qui a dit ça? C'est Jacques Borlée, le papa de la famille Borlée. C'est Thomas Meunier, nouveau joueur du PSG. Ou c'est Usain Bolt, dit la foudre, dit la flèche, dit le mec qui gagne tout. Est-ce que vous voulez l'aide de quelqu'un autour de la table? Oui. De qui? Thierry ou Sarah? Sarah. Oh non, Sarah. Mais c'est Thierry Luther, c'est monsieur tant pis, elle a choisi Sarah, elle a choisi Sarah. Oh Sophie, oh là là. Ah, alors à votre avis, Sarah, qui a dit Mais c'est pas, c'est pas Jacques Borlée, si. Non mais elle vous demande qui l'a dit, pas qui ne l'a pas dit. Qui a dit Thierry n'aide pas. Moi je peux pas aider. Moi. Oh, non, là. Thierry n'aide pas. C'était qui le dernier? Bon alors vous êtes toute seule Sophie, parce que visiblement... Non mais c'est qui le dernier? C'est Usain Bolt, c'est un petit coureur de... 200 mètres. Sophie, j'ai besoin d'une réponse maintenant, qui a dit, dites-moi. Oui, alors Borlée. Eh ben c'est une mauvaise réponse, malheureusement. Je suis désolée, Sophie. Eh ben non. Oh, c'est pas grave. Mais comme c'était une citation de foot. Mais oui. C'est le footeux qui a dit. Je suis pas douée. Thomas Meunier, au club. Qui est donc parti au PSG et qui dit Thierry que les diables, certains verbes sont merveilleux. J'ai lu toute l'interview, mais il n'a pas la langue de bois, hein, Thomas Meunier. Mais enfin bon, à force, je demande quand même s'il ne va pas se faire quelques ennemis. Là. Et puis. Moi, ça a le mérite d'être franc quand même. Ouais, il a dit que c'est aussi que certains joueurs n'avaient pas eu leur niveau habituel pendant l'Euro. Ouais, il y va et il balance. C'est pire que Thibaut Courtois en plus, hein, parce que Courtois. Et il parle aussi de Thibaut Courtois dans l'interview. Ouais, aussi. Bon, Sophie, c'est pas grave, on aurait eu le plaisir de papoter deux secondes. Oui. Eh ben voilà. Qu'est-ce que vous allez faire de votre journée? Parce que nous, comme c'est le premier jour, on sait déjà qu'après il y aura sieste, que ce soir on va dire qu'on est fatigué. Tout ça, vous allez faire quoi? Je travaille toute la journée. Ah bah alors avant de bosser, donnez-nous le mot que vous imposez à Jean-Luc Fonck, car on reprend la tradition du vendredi avec le live. Quel est le mot que vous imposez à Jean-Luc Fonck pour son live de vendredi? Autobus. Pourquoi autobus? Parce que je suis conductrice d'autobus. Ça se tient. Voilà. C'est d'une logique implacable. Sophie, on vous embrasse, à bientôt à Tournai. Oui, merci beaucoup. Gros bisous, désolé encore. C'est pas grave, c'est l'important, c'est de participer et d'essayer. Dans un instant, la question d'intérêt général avec le mec qui est toujours pas là et le regard sport de Thierry pour clôturer les jeux. Votre Opel à prix incroyable, c'est maintenant chez Opel Bounamo. Bounamo, plus que jamais les meilleures conditions, des super taux de financement et toujours un large stock de véhicules neufs et d'occasion. Bounamo, le service qu'il vous faut. Quai à 100 mètres du standard, opel-bounamo.be. Merci et bravo à tous les athlètes et médaillés du Team Belgium. Vous nous avez fait rêver sur la 2, Vivacité et RTBF Ovio. Il y a des matins... T'as ton cartable ? Check. Ta boîte à tartines ? Check. Et ton CC Mail ? Double check. Qui ne changeront jamais. Oh, t'as tes clés ? Check. Ton ordi ? Check. Et ton CC Mail ? Double check. CC Mail, à savourer à tout moment, en route ou pendant votre pause. Vivacité et la 2 présente l'AG Insurance Memorial Van Damme le vendredi 9 septembre au Stade Roy-Baudouin. Le plus beau meeting d'athlétisme au monde fête ses 40 ans avec les meilleurs athlètes des Jeux Olympiques. Un feu d'artifice et un concert pétillant pour clôturer la soirée. Plus d'infos sur aginsurancememorialvandamme.be. Si j'ai bien compris, vous voulez que je pose du parquet sur la Grand Place de Bruxelles. Voilà, c'est ça. Et sur le piétonnier aussi. Ah bah oui. Eh ben ça marche, pas de problème. Tout devient possible quand on travaille avec nouveau Citroën Jumpy. Trois tailles au choix, porte coulissante main libre et seulement 1,90 m de hauteur. Nouveau Citroën Jumpy, à partir de 230 € par mois, avec extension de 5 ans de garantie offerte. Découvrez-le dans votre point de vente. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. Jusqu'à 9h. La question d'intérêt général, demain donc, puisqu'on est toujours sans nouvelles de Jérôme, on a rappelé James Dino. Mais ça commence à bien faire là, franchement. Mais où Jérôme? Mais non, mais c'est dingue. Il est disparu là maintenant. Ah non, mais franchement, on rigole, mais dans deux secondes, on s'inquiète. James, en ligne, James Dino, vous avez eu des news depuis tout à l'heure ou pas? On l'appelle dans une seconde. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va relaisser un message à Jérôme, alors puisque, il n'est toujours pas venu, fait sonner le répondeur, parce que j'imagine qu'il n'a pas, pas rallumé le truc entre-temps. Bonjour, vous êtes bien sûr le répondeur de Jérôme Noirbier. Je ne suis pas là, vous pouvez laisser un message. Hormis si vous faites partie de l'RTB, il faut quelqu'un. Ne m'emmerdez pas avant le 29 août, date officielle de la rentrée. Vas-y, ça va. Et non, Jérôme, debout, la rentrée vivace, c'est aujourd'hui, le 22. Qu'est-ce que tu fous? I miss you. Ah oui, on remet 20 € dans le truc. Fais-nous rire. Non, on t'aime bien, c'était pour rire la blague qu'on t'a fait. Bon, sérieux, Jérôme, rappel. Boum, on raccroche. James Dino en ligne, vous avez eu des news ou pas? Ben non, j'ai pas de news, j'ai appelé toutes les femmes avec qui il a couché dans le métier, je suis occupé depuis 25 minutes, il y en a encore un bon paquet à appeler et personne n'en a vu. Essayez donc, les hommes maintenant. On va essayer les hommes, alors on se retéléphone la semaine prochaine si je dois faire les hommes. Ben alors on fait ça. Merci James en tout cas d'avoir répondu ce matin, c'était pas prévu, c'est le coup de fil à un ami. Salut James, à la prochaine. Salut, un bisou tout le monde. Ciao, bon. Ciao. Bon, on va vraiment bosser alors Thierry, 8h55, c'est le regard sport, on va se replonger dans les jeux, bien évidemment, avec les noms que vous vouliez citer ce matin, Nafi Thiam à la hauteur. Ah ouais, formidable performance, non pas à la hauteur, enfin si à la hauteur. Oui, dans fait, tout. Dans oui, tout. Dans tout, mais ce qui est assez troublant, c'est qu'elle a fait 1m98 et que la championne olympique de la hauteur a fait 1m97. Donc il tient l'Espagnol qui a 37 ans. Donc c'est un petit peu interpellant, on se demande si elle ne devrait pas à terme, à court ou moyen terme, se tourner spécifiquement vers le saut à hauteur, ou peut-être là aussi de belles médailles lui sont promises. C'est elle qui prendra la décision. On rappelle que son illustre aîné, Thiaï Le Bot, avait fait ce parcours de l'heptathlon à la hauteur. Je vais dire un truc qui, vous allez mal me comprendre, mais je vais bien mal sûr le dire, mais c'est dommage quand on a un charisme pareil, une aura pareille, un talent pareil, de gaspiller ça dans une discipline qui en fait n'est pas tellement médiatique ou compréhensible, parce que c'est par points, ce l'heptathlon, c'est... Est-ce que c'est pas du gaspillage? Le terme est excessif, mais ce n'est pas fou. Moi, je pense qu'elle doit se tourner vers la hauteur le plus rapidement possible. En plus, ça lui permettra d'avoir des invitations dans des meetings. Ou dans les meetings, il y a du saut hauteur, mais il n'y a pas de heptathlon. Elle ne pourrait pas faire les deux? Elle pourrait aussi faire les deux, mais ici, elle y a renoncé, parce que c'est quand même fatigant, même si le calendrier lui aurait permis en début et en fin de jeu. Ouais, elle a un charisme de fou, elle a physiquement. Ah, elle est trop chouette, elle a l'air très sympa. Ouais, c'est une fille vraiment super, pour un peu la connaître, c'est une fille très sympa. Ouais, elle a l'air saine. C'est comme le selfie avec Usain Bolt, où ils sont tous là souriants. Ouais. Tu vois qu'elle est cool et qu'elle est relaxe complètement. Alors attention, parce qu'on l'attendait au jeu d'après, on l'attendait au Japon, elle était déjà archi prête ici. il y a une ligne de progression où là, ça va marquer un petit... Ça prolonge un peu la réflexion précédente, c'est de se dire, elle ne pourra pas faire mieux si elle va peut-être battre un record d'Europe, quoi qu'il va être compliqué à plus de 7000 points, c'est Kluft, la Suédoise, qui le détient. Elle a l'heure olympique, qu'est-ce qu'il y a de mieux dans une discipline? Je pense que peut-être elle pourrait se tourner vers autre chose, mais je répète, c'est elle qui prendra la décision, sans doute en concertation avec son coach, que je voudrais citer aussi, Roger Lespagnard, qui est un peu un coach de la vieille école avec les vieilles méthodes, mais ça marche. Ah bah comme quoi, c'est dans les vieilles casseroles que vous, voilà, vous connaissez. On fait des bons pots. Ouais, exactement. Et les meilleures soupes. Bravo, Nafit Yam, c'est un des noms de l'été, il faut quand même bien le dire. Alors, il y a un autre nom que vous vouliez mettre à l'honneur ce matin, c'est le président du comité olympique belge, Beckers. Ouais, Pierre-Olivier Beckers, qui a dressé un bilan forcément positif, à l'heure du bilan, hein, puisque nous sommes à JO plus 1. 6 médailles. Il y a 19 Belges qui ont terminé dans le top 8, ce qui est quand même un très très bon bilan. C'est notre meilleur bilan depuis 20 ans, les Jeux d'Atlanta en 1996. Bon, maintenant, alors, comme d'habitude, on va nous dire qu'il faut fructifier cet avoir et il faut revoir notre politique sportive à la hausse en termes d'infrastructures, de budget, le sport à l'école, une culture de la gagne. Mais j'ai l'impression que j'entends ce discours-là tous les 4 ans. Mm-hmm. C'est le fameux momentum qu'il faut exploiter. Tous les 4 ans, c'est le même catalogue de vœux pieux qui revient. Mais il faut aussi, dans la vie, tout relativiser. Si vous regardez les Pays-Bas, certes, ils sont un peu plus nombreux que nous. Vous savez, nous, on a 6 médailles. Vous savez combien de médailles ils ont, les Pays-Bas? Ils en ont plus. Ils ont 19 médailles, dont 8 en or. Je veux dire que là, ils ont depuis plus longtemps que nous assimilé justement cette culture de la gagne et que ça va être plus que jamais notre modèle et notre référence pour progresser dans l'avenir. J'espère ne pas me planter, mais je crois qu'en Nouvelle-Zélande, ils sont 4,5 millions. En gros, c'est la Wallonie, hein, 4,5 millions. Ils ont plus de médailles que nous quand même. Soit. Et puis un petit mot rapide en 50 secondes de Jérémy Perbet. Ça nous permet de reparler de football quand même. Jérémy Perbet à la Gantoise qui a battu Westerlo 4-2 ce week-end. Dernier match hier et Perbet qui vient de Charleroi. Et partout où il passe, il marque. On l'a surnommé Perbut à juste titre. Il a été buteur à Mons, à Charleroi, à Tubize, et maintenant transféré à la Gantoise. Il marque 2 buts hier, ça lui fait déjà 3 buts depuis le début de la saison. C'est un vrai buteur, c'est une denrée rare. Et on un comprend. Futur diable ? Mais non, parce qu'il est français, hélas, malheureusement. Bon, vous savez, mon bon, qu'en matière de nationalité, on trouve vite un ami qui vous accélère le dossier de naturalisation. Vous en connaissez. On dirait. Je vous donne le numéro de Perbet. Non, mais je ne dis pas qu'il n'y a pas un ami d'un ami d'un ami qui traîne dans le couloir. Thierry revient tous les lundis pour le Regard Sport. Content de vous retrouver ce matin, les gars, vous m'avez manqué. Et Jérôme, alors? Plaisir partagé, souvent avec un humoriste chauve qui est toujours porté disparu. Eh ben, on engage. La 2, en télé. Trou détective. Le shérif de Vermilion a demandé notre aide après avoir trouvé un corps dans un champ de canne à sucre. 30 ans d'enquête pour 4 soirées ténébreuses. Vous avez déjà vu un truc comme ça? Trou détective. Les deux premiers épisodes, dès ce lundi sur la 2. Vabona. Votre arme contre les insectes. De toute évidence, Denis, Jérôme n'est pas en train de se bronzer au soleil belge. Ça se saurait s'il y avait du soleil. Non. Et message à ses ravisseurs, rendez-le nous. Voilà, il va vite vous agacer et on accepte la prime que vous nous donnerez avec. Oui, évidemment. Voilà. Bon, ceci étant dit, aujourd'hui, les conditions vont aller en s'améliorant puisque ce matin, on a les restes d'une zone de pluie traverse le pays. Ça donne encore un petit crachin de fine pluie sur l'est de notre pays. Encore une ou l'autre averse sur l'ouest, mais de plus en plus rare. Le ciel bleu arrive déjà du côté de la Panne et les éclaircies vont se développer. On attend aujourd'hui 18 à 23 degrés. Ce n'est qu'un début, puisque demain, mercredi et jeudi, on peut même encore ajouter vendredi, le soleil sera bien présent. Les températures vont grimper. 23 à 28 degrés pour demain et une moyenne de 27 à 30, voire 31 degrés pour mercredi et jeudi. Et avant de retrouver C'est vous qui le dites, il est 9h. L'info continue, Sébastien Pierre et bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Les routes wallonnes tuent, surtout le week-end et à la campagne. Ces 10 dernières années, plus de la moitié des accidents mortels